niggas that you tell you want to. How you telling the gang if you mention my name? But I promise I'ma keep you for the dog, nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that I'm fucking you. I used to fuck with you. Now I'm wishing that I'm fucking you. Vous êtes plongé dans le mix de Ludovic. C'est maintenant. I'ma skip town, see my wrist drown. Everybody wanna fuck with me for benefits now. Man, I wish my niggas really could've seen me lit now. Sit down, maybe roll up, blow a spiff down. Time go by, niggas change so much. Why the fuck these niggas looking at my chain so much? They just mad cause I departed from the game so much. One force move and the game gon' bust. Cartier glasses 2020, got a clear view. You and me and I don't fear you. Act up, we gon' mask up, boy, I dare you. Bro, to catch a body, I'ma leave you in the rear view. Could've did it to me, little nigga, you was scared to. You a bluff and you not who you appear to. You be starstruck if you see a nigga near you. And your bitch, when the fuck, I don't care to. Careful, if I say links, plans cancel. I can have your shorty in my bed doing dance moves. Fuck that, let's get right back to the real shit. In the field shit, niggas really used to drill shit. I'ma stretch that whole lot she gotta deal with. Swear every real nigga gon' feel it. Smoking on drugs, cause it's too much to deal with. SB strapped up in the field with it. Fall niggas, I don't trust niggas. If you bust triggers, then you tell you a fall nigga. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark, nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss hit you. I used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss hit you. Fall niggas, I don't trust niggas. If you boss triggers, then you tell you a fall nigga. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark, nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss hit you. I used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss hit you. My mama know about the pain that I never changed. But looking back for the fame, I felt the same. I was stuck up in the streets, but I had a brain. I ain't had no money, we was looking for a nigga chain. And shit, all I ever wanted was to have a name. Had a lot of shit to lose, not enough to gain. And that fuck nigga changed when it gets the grain. Found that my homie went fed, almost went insane. Shelly ministry, where did you get parked, nigga? I don't know you want me from the start, nigga. I remember catching stains in the park, nigga. Me and Bubba trying to catch a op after dark, nigga. My mama told me watching out, be a smart, nigga. So all my niggas on go like a cart, nigga. Smelly drive me a bullet to your heart, nigga. I don't really wanna speak facts, see the chart, nigga. Goodbye, I'ma skip town, see my wrist drown. Everybody wanna fuck with me for benefits now. Man, I wish my nigga smelly could've seen me lit now. Sit down, maybe roll up, blow split down. Time go by, niggas change so much. Why the fuck these niggas looking at my chain so much? They just mad cause I departed from the game so much. One force move and the game gon' bust. Fall niggas, I don't trust niggas. If you boss triggers, then you tell you a fall nigga. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark, nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss hit you. I used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss hit you. Fuck niggas, I don't trust niggas. If you boss chickens, then you tell you a fuck nigga. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark, nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that a boss hit you. I used to fuck with you. And now I'm wishing that a boss hit you. We the best music. Another one. DJ Khaled. Stayed down till I came up. I did it, I did it, I did it. 10 toes and never changed up. I did it, I did it, I did it. Got my hands in the air right now, cause I ain't smoking here right now. I did it, I did it, I did it. Being over, let me see it. If you looking for a trill type bitch, let me be it. I'm from the south, never had a handout. Before I let my people fall by, take it out your mouth. These bitches so quick to switch up. I'm from the long store, I don't need to click up. It ain't directed, so it ain't respected. Stop dropping clues, cause I ain't no detective, bitch. I'm trying to win. Don't care how I do it, just know that I did it. Why you so worried about what I be doing? Counting my money ain't making you rich. Talking down on me don't make you the shit. How my name in your mouth more than your spit? I really encourage my haters to talk. Throwing that shade only keeping me lit. Stayed down till I came up. I did it, I did it, I did it. 10 toes and never changed up. I did it, I did it, I did it. Got my hands in the air right now, cause I ain't smoking here right now. I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it. Hey, goddammit, I get it. They don't like to see when we win, but I did it. Hey, I step on my city, chopsticks sound like a guitar in the air. Stop and take a picture when I'm jumping off a layer. I didn't run it up, it only took a couple years. The money be calling if it wasn't for my low pollen. Did the bullshit they be talking about, I wouldn't even hear. New sports car, go vroom, switch gears. Hey, how you goddamn come here? Thought of going vegan, then again, I'm like, for what? I got 10 carrots each in my living right here. 21 Tesla, I don't even got a steer. My climax ain't even nowhere near it. I stayed down and I stayed down and I came up. I had faith in my spirit. Stayed down till I came up. I did it, I did it, I did it. 10 toes and never changed. contract. I ain't signing that hoe yet. Clapping plane, flying, so I'm smiling on the jet. I drop hit after hit, that's the domino effect. These niggas out here going flat. Ain't no stopping it. Picking blue paper all day like Monopoly. Brand new products, I'm proud of me. Actually, came from the bottom. Ain't no needin' even asking me. Ain't even seen the half of me. And ain't no passing, that's a no-go. Starting to kill a player, niggas out here throwing low blows. I done got good with the shit. I tell the paparazzi to get my angle every time they take my photo. Another one. Stay down till I came up. I did it. 10 toes and never change up. I did it. Got my hands in the air right now, cause I ain't so be here right now. I did it. Du Gucci et je dépense sans compter. Je les laisse prendre pour des caries, zéro ecstasy. J'ai de l'argent à gagner. La concurrence elle est pas prête. T'as vu les airbreak et là tu paniquais. C'est nous les plus forts de Paris. Vu celle et Gandhi, on va tout rafaler. Je mets le feu en concert, je mets le feu dans ta mère. Alors me manque pas de respect, ça se trouve que c'est moi ton père. Pour l'emp au feu comme tout quoi que t'es mort. Je suis devenu riche juste avec des mots. Tu peux pas appeler au secours. Genre le nani, je te pull up skirt. J'ai traîné dans mon bâtiment. Moi comme mon grand frère, je suis à Baltimore. J'avoue on est fort un peu. C'est que le début mais toi t'as peur. Assez cruel on en a. Quand t'en as passé comme ça. Et ta famille rien qu'elle craque. Quand elle me croise à la fac. Mais ça tu savais déjà. Qu'elle avait reconnu Kaza. Elle me dit qu'en brisé c'est toi. Vas-y viens me voir que je te répare ça. Maintenant j'ai la maille. J'ai plus besoin de parier. Je passe à la télé. Je la soulève sans parler. Si t'as pas l'étal, je vois pas ta soirée. J'suis pas une trap star, j'suis une break star. J'suis pas une trap star, j'suis une break star. J'suis pas une trap star, j'suis une break star. J'suis pas une trap star, j'suis une break star. J'suis pas une trap star, j'suis une break star. J'suis une break star, une break star. Quand je secoue mes voeux, c'est adore ça. J'ai mal au cœur, tu sais déjà. Mais en catch un baby, je dead ça. Faut faire un dessin, on fait rentrer des sous everyday. Pour me réparer, j'ai pas besoin de médecin. Faut juste que je fasse plus de monnaie. Là, je prends du Gucci, du Christian, de

les liens en dessous du lit. Inséparable comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit de gros bonnet, mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Les liens en dessous du lit. Inséparable comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit de gros bonnet, mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Oh mamacita, oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vie, hein? Parce que je suis un trafiquant de la caille. Quand je peux me faire capturer par les milas. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vie, hein? Parce que je suis un trafiquant de la caille. Quand je peux me faire capturer par les milas. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vie, hein? Parce que je suis un trafiquant de la caille. Quand je peux me faire capturer par les milas. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vie, hein? Parce que je suis un trafiquant de la caille. Quand je peux me faire capturer par les mille. Ouais, faut bien qu'on pense à plus tard. Chez moi, tous les chemins mènent au j'tard. Tu veux que je fasse quoi? À part brûler le cellophane, j'en place une pour tous nos fans. Sans vous, c'est la fin. J'fume des bédos tard et j'reprends ça le matin. Ma chérie, j'ai un daladeur. Regarde nos têtes, pas la paix. Marqué par la life, la rue nous a pas raté. Et puis j'fume pour calmer mes ménères. Dans le rap, on est venu faire le ménage. Très vite, fille à payer pour ma mère. Et j'suis pas lente de pour les lâches. Oh, avec Dinas, on arrache tout. Ils ont la rage tous. T'es mal partout. Dans quelques temps, on sera partout. Dans quelques temps, on sera partout. Client partout, je vide les cartouches, on se donne rendez-vous à la fin. Fais que tourner, j'enchaîne galère sur la galère. Je fais mes affaires, je fais mes affaires. Fais que tourner, j'enchaîne galère sur la galère. Je fais mes affaires, je fais mes affaires. Fais mes affaires, ouais, nique sa mère. C'est vu sur la mer ou la mer. Si je m'évade, avec moi je prends tous mes frères. Là, je suis dans le bal, on s'est déclaré la guerre. Là les kilogrammes sur l'autoroute t'es mal pilota. J'ai parlé au dame, on contrôle la zone ça depuis longtemps. Elle veut me tenir les mains souvent menottées. Moi je reste avec les miens bloqués dans ma tête. Exterminé, il va te la mettre, vas-y va l'allumer. En studio en fumée. Ça pure à la cité, les gars sont coquettés. On est pas là pour se taper, c'est comme c'est pédé. Il veut que ça part en clip, ça va péter. Je me pète la tête, je vois le taron s'endetter. Tu parles de bosser, t'en as marre de grosser. Je viendrai t'arroser, toi ton verre de rosé. Je m'en tape tes grosses, là je me fais courser. Je passe la sixième, il se retrouve dans le fossé. Je fais que tourner, j'enchaîne galère. Got you all around me, getting anxious. Leave me, don't look back, it's all about you. In the dark right now, feeling lost but I like it. Comfort in my sense, and all about me. All I got right now, feeling days of resentment. Sit more in my skin, it's all about you. Blood stain on my shirt, new bitch on my nerves. Old nigga got curved, going back on my word. Damn, bitch, you I'm still can't cry about the shit that about. Bloodstain on my shirt, new bitch on my nerves. Old nigga got curved, going back on my word. Been bitches, I'm thirsty, still don't know my words. Still stressing perfection, let you all in my mental. Got me looking too desperate, damn. Is it what you say? And how you know? Right now, feeling lost, but I like it. Comfort in my sins, not about me. All I got right now, feeling days of resentment. Shimmer on my skin, it's all about. Blood stain on my shirt, new bitch on my nerves. Old nigga got curved, going back on my word. Been bitches, I'm thirsty, still don't know my words. Still stressing perfection, let you all in my mental. Got me looking too desperate, damn. Qui est-ce? Elle voulait me parler. Je peux pas tellement défoncer. Qui est-ce? Elle voulait me parler. Je peux pas tellement défoncer. Pas ce soir, j'suis défoncé. Pas ce soir, j'suis défoncé. Pas ce soir, j'suis défoncé. Pas ce soir. Tu sais très bien que je suis pas un gars comme les autres. On vit le moment présent comme si c'était le nôtre. On s'est lâché prise, on fuit la traîtrise. Toi et moi c'est pas le dernier épisode. On aime bien s'enfumer pour s'envoyer ailleurs. On fume des cartouches comme fusil mitrailleur. Les griffures dans mon dos peuvent en témoigner. Ainsi que les traces de rouge allaient sur mon débardeur. T'aimes bien les positions hors du commun. Chuchoté dans mon oreille, là je te veux. T'aimes bien quand on se tient par les mains. Mais tu préfères quand je te tiens par les cheveux. T'aimes bien les positions hors du commun. Chuchoté dans mon oreille, là je te veux. T'aimes bien quand on se tient par les mains. Mais tu préfères quand je te tiens par les cheveux. Qui est-ce? Elle voulait me parler. Je peux pas tellement défoncer. Qui est-ce? Elle voulait me parler. Je peux pas tellement défoncer. Pas ce soir, j'suis défoncé. Pas ce soir, j'suis défoncé. Pas ce soir, j'suis défoncé. Pas ce soir. À ce qui paraît, j'ai de la chance d'être avec toi. Pour l'hôtel, c'est minimum les 5 étoiles. Tu sais très bien que j'ai beaucoup de meufs qui me tournent autour. Mais tu sais que ma principale, c'est toi. Nous deux, c'est pas très officiel. T'aimes bien jouer avec mes sentiments. Pour ça, y'a pas de logiciel. Mais t'arrives à savoir quand je te mens. Cherche pas avec toi, j'ai tort dans tout. Quand on le fait, t'aimes bien me mordre dans le cou. T'aimes bien les gars qui font dans l'illégal. Et toi, tu me dis que je suis bon dans tout. Tu veux qu'on se prenne des vacances à deux. Quand on s'embrouille, ça n'avance à rien. On aime boire et fumer de la beuh. On se lâche et on ne pense à rien. T'aimes bien les positions hors du commun, chuchoter dans mon oreille, là je te veux. T'aimes bien quand on se tient par les mains, mais tu préfères quand je te tiens par les cheveux. T'aimes bien les positions hors du commun, chuchoter dans mon oreille, là je te veux. T'aimes bien quand on se tient par les mains, mais tu préfères quand je te tiens par les cheveux. Qui est-ce? Elle voudrait me parler. Je peux pas tellement défoncer. Qui est-ce? Elle voudrait me parler. Done whatever. And I just can't believe we ain't together. And I wanna play cool while I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring. You think I'm stupid, bitch, now you really a dog. I don't want none of your love. I could name all the lies you told me. It's crazy cause I really gave you my trust. Before the fame, you ain't think I would make it. But baby girl, now I'ma show you what's up. And it's a shame, I just had to be patient. I still my mother, I'm about to blow up. You think I'm stupid, bitch, now you really a dog. It's crazy cause I really gave you my trust. Before the fame, you ain't think I would make it. But baby girl, now I'ma show you what's up. And it's a shame, I just had to be patient. I swear on my mother, I'm about to blow up. I'ma make something from nothing. You try to say you was dead, but you wasn't. I would've gave you a kid, we was rushing. Sleeping with niggas, I swear it's disgusting. Bitch, that you broke with the paper you touching. I could be Grammy and fuck with your cousin, but nah, I'ma just focus on me, yeah, that's rapping and shit. Time to get money and laugh at the bitch. And I swear I work hard, I have to practice for this. Type to assassin and bitch, I remember the time I was clapping and shit. With you arching your back on my matches and shit. And I'ma get money regardless. You a part of the reason I'm all in. Now I tryna throw money at Starlet. And these other little niggas is garbage. You won't think I was was fighting my charges. I was stuck in that jail for a year long. I was treating you like you my real John. And you throwing no money for billboard. But I'm still going, still flowing. Run up on me and I'm still blowing. Dans le flou, comme les mecs d'à côté. Quand je prends sur moi, je me pose des questions toute la noche. Bébé, j'hésite pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. Les autres veulent s'en mêler, t'as le petit cœur scellé. J'pourrais sortir le mini, moi aussi je me mêler. Bébé, j'ai du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. En cas je n'ai pas peur de mettre moi-même. Si je me donne la peine, c'est pour que tu sois la mienne. C'est dangereux quand tu pull up. Je sais que tes chambres sont ton make-up. Le veux tu décores, décores. Mes billets sont mauves comme les autres. Les autres sont mêlés. T'as le petit cœur scellé. Pour ressortir le mini, moi aussi je me mêlais. Le monde est à nous, à nous, à nous, à nous. Et fort que les autres. Elles ne sont pas des nôtres, j'en parle des nôtres. Non. Elle veut qu'on s'entende, elle est consentante. Mais de temps en temps, elle veut prendre mon temps. Elle fait pas semblant, elle fait pas semblant. Elle veut qu'on s'entende, elle est consentante. Mais de temps en temps, elle veut prendre mon temps. Elle fait pas semblant, elle fait pas semblant. Tu m'as laissé dans le flou, comme les mecs d'à côté. Donc je prends sur moi, je me pose des questions toute la noche. Bébé, j'hésite pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. Les autres veulent s'en mêler, t'as le petit cœur scellé. J'pourrais sortir le mini, moi aussi je me mêlais. Bébé, j'ai du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. De pas, j'suis venu pour soigner mes peines. J'suis pas venu pour passer de l'amour à la haine. Intérieurement, je sais pas où j'en suis. Enfermé à boire d'art sous freine. C'était la thèse, ma go. C'était l'amour de trop. Ice, oh, mes coffres. Il fallait bien que je me couvre. Et même si plus rien ne va entre nous, on va quand même se retrouver. Des problèmes, je les ai étouffés. Peut-être qu'on est allé trop vite, trop vite. Elle n'avait pas de patience, donc je lui ai dit calme-toi. Je lui ai dit calme-toi. Pour le coup, sinon tu vas finir comme elle. Elle veut qu'on s'entende, elle est consentante. Et de temps en temps, elle veut prendre mon temps. Elle fait pas semblant, elle fait pas semblant. Elle veut qu'on s'entende, elle est consentante. Et de temps en temps, elle veut prendre mon temps. Elle fait pas semblant, elle fait pas semblant. Tu m'as laissé dans le flou, comme les mecs d'à côté. Donc je prends sur moi, je me pose des questions toute la noche. Bébé, j'hésite pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. Les autres veulent s'en mêler, t'as le petit cœur scellé. Pour ressortir le nid, moi aussi je me mêlais. Bébé, j'ai du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. J'ai pris différentes guedres, j'arrive même plus à guédra. Faut qu'on finisse sous tes draps. Trop défoncé, j'suis sous codéine. J'chante plus mon cœur, j'chante plus mon pouls. J'ai trop de haine pour te faire l'amour. On le fera si on se revoit. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Trop défoncé, j'suis sous codéine. J'chante plus mon cœur, j'chante plus mon pouls. J'chante que j'me rapproche de l'amour. Dans ma gueule, me guérit. Médicinale et ma beuh, comme j'ai des gazos qui sont partis. J'dois aller déposer des fleurs. De l'intérieur, ça me détruit. Tellement que j'arrive plus à pleurer. Au-dessus de la ceinture, crois-moi c'est pas pour y pleurer, non. Jusqu'à ce que j'ai plus mal, je me resserre et je bois. Tous mes sentiments je noie. Ligne dans ma baignoire, bloc sous mon peignoir. Fonce des mais je me roule un joint. J'suis loin, loin. Aujourd'hui elle se rappelle de moi. Du rond pour la médaille, vivons comme Bonnie and Clyde. Avant que la mort nous sépare, des ennemis on s'épargne. Chargez mon cœur et le flingue. J'ai récupéré, je fly et j'y vois flou au volant. Perdu du temps et de l'argent, on devient fou et violent. Bienvenue dans la violence. Tic tac, millions d'euros, tic tac. Diamant, Rolex, tic tac. Charbon, tu frères, tic tac. Avec qu'on se capte, car elle aime pas que je dis, je te rappelle. Tu me demandes ce que j'ai eu, c'est la rue qui m'a laissé, c'est séquelles. C'est qu'une histoire de trendy, c'est qu'une histoire de trendy. C'est qu'une histoire de trendy, baby. C'est qu'une histoire de trendy. C'est qu'une histoire de trendy. C'est qu'une histoire de trendy. C'est qu'une histoire de trendy. C'est qu'une histoire de trendy, baby. J'ai pris différents gueudros, j'arrive même plus à Guédra. Faut qu'on finisse sous tes draps. Trop défoncé, je suis sous codéine. Chante plus mon cœur, chante plus mon pouls. J'ai trop de haine pour te faire l'amour. On fera si on se revoit. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Trop défoncé, je suis sous codéine. Chante plus mon cœur, chante plus mon pouls. Bring on the problems. Bring on the problems. Bring on the motherfucking problems. They say more money, more problems. Bring on the problems. Bring on the problems. Bring on the motherfucking problems. Hey. Braid it up in my Suizo. Hit them, then I get them easy. Life ain't getting any easier. Flock off, flock a cito. I know that I'm not in love. She don't love me either. It's just hard to find a love. Then she keep on getting deeper. Who said it's cheaper to keep her? I'd rather release her body and give her away like a feature. You know the procedure. Niggas is preying at God, so we stay with the sweeper. I'm ripping 4L in my 20s, so treacherous. Introduce y'all to the leader. Come to me without a smoke. I like the money for sure, but I love the hustle the most. She pretty, she show off her toes, and my panties they came with a pole. Know this money bring envy and jealousy. I'm like, fuck it, I want me some more. Hit it from the back, she bent up. Playing with the money, get spent up. Chains on my neck, no kenta. You the type of girl I pay rent for. Suck it in the car, that's with a tent for. Bought me a plane, not a sprinter. $250,000 on a dental. She say I'm a stepper but gentle. I've been out late night creeping, shot slide on bitches. Posted up with the militia, niggas ain't switching. Mind on missions, mind on pussy and millions. Mind on pussy and millions. I'm tryna call a sex symbol to eat my kids up. They say more money, more problems. Bring on the problems, bring on the problems. Bring on the motherfucking problems. They say more money, more problems. Bring on the problems, bring on the problems. Bring on the motherfucking. Only signing the game, we the new Lucian Grange, bring on the reins. A MJ thing, I'm talking a Brady thing. I'm off of the juice, never could sink or the mix. Rocking the breeze, not a twist. For Puffy can't comb, not acting like Christians in here. But Christian Dior and they homes, the bigger we get. Gotta thank God for this. I got a lot that I give, I be handing out gifts like the Christmas on 25th. Out in the 20s, inside of the 20s. Said I would buy the jet before I could afford the shit. Now I got the jet building the landing strip. In the back of the crib, I record the hits. In the front of the crib, they valet the whips. Breaking the records, more money, more problems that come with the status. Running through customs when you run at Alice. I got a custom the fastest. I'm talking about fabrics, I'm talking about mattress. I never sleep though I sleep with a baddie. I'm moving deep cause that's just how it's happening. But if you come out, just be ready for action. Just needed some time, I set up my time. Now they see the signs. You didn't leave me solo right here all alone. You held it down for me right on my own. That nigga get it, just try to get home. I got a Rolodex all in my phone. Je suis pas trop en fait. Je roule sur la costa. ATV sur tous les posters. J'ai visé tout là-haut. Écoutez jusqu'à Macao. Tu critiques mais t'es KO. Là c'est Soul King et Charo des Charo. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader. Mais c'est plus comme avant. J'chanterai le quartier toute ma vie. Même si j'fais le tour du monde. J'vais m'balader. Mais c'est plus comme avant. J'chanterai le quartier toute ma vie. Même si j'fais le tour du monde. Encaissé de qui j't'en ai pas encore ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser. Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser. C'est trop de la D, c'est plus la même qu'avant. Chacal croit pas qu'on t'a zappé. On va te chercher dans toute la France. Je fais bouger le tisme, je fais partir le cosma. La zone elle est minée.

just gotta check. I back it up, cause I don't give a fuck. I don't. If you were lame, that's a shame. You can't hang with us. I'm MC Hammerfly. You can't touch Jay, so fly. I should work it flight. J's or I be rockin' Taylors. I got lots of flavors. My kick game is major. More kicks than the players. Call me up, I'm scoring. Hit it like a free throw. Tongue out like I'm Jordan. Molly, Molly, come swing the thing right by me. Got a joint if you wanna get stoned. Got choppers if they wanna try me. Pro athlete, I'm not no wannabe. Waitress asked how many bottles, I said 23. Put on my J's like me. J's on my feet, you know. J's on my feet, J's on my feet. Yes, sir. So get like me. I stay showing out. My kick game is a beast. I got 30 pair of J's that ain't even been released. Flu game 12, Space Jam 11. All the hype be sick. They gon' need it for a minute. Turn, turn, turn. I get trippy. I stay live. All this purple in my cup. Match them grape vibes. I'm so high, I got three bitches that go by. I'm so fly, I'm getting head like a blow drop. Put on my J's to dance the whole night away. I'm not even J'arrive en 4x4 dans un 4x4 noir. Uniquement vodka, pas de badois. Ouais, fils de putain, parle pas de moi. Si je veux que tu disparaisses, claque des doigts. C'est pour vous caper, on va tout casser. Un morceau en une heure, il faut que vous sachiez qu'on va tout froisser. Je plonge dans le hub d'une bolivienne. Je la fais chanter comme The Weeknd. Je suis posté au quartier, guetteur, attends que la police vienne. Sombre destin, triste avenir. Je vois mon reflet dans mon ref, quasi rempli, affirmatif. Je regarde mal et je réponds au cœur. J'allume mon cœur, j'allume mon yaksu. Non, ne fais pas le fou. C'est mieux pour tout le monde, on perd pas de temps. Tu gardes tes deux genoux. Alors on doit se remplir les poches, poches. Pour maman, je peux pas louper. Je veux qu'elle se balade en Porsche, Porsche. Sur les plages Guadeloupe. Elle veut qu'il soit à la mairie. L'OPJ me relie mes délits. Yanké me demande si y'a crédit. C'est par le feu si je péris. Elle veut que je dise oui à la mairie. Je lui dis non, non, non. L'OPJ me relie mes délits. Je lui dis non, non, non. Yankee me demande s'il y a crédit. Je lui dis non, non, non. C'est par le feu si je péris. Clic, clic, pa, pa, pa. Hey, j'ai commencé par passion. Connu pour altercation. Je ressemble vraiment au daron froid et dur comme un vrai glaçon. Je peux te siroter comme un thé glacé. Mais seulement si t'es fraîche. Pas de faux seins ou de mèche. Faut que tes fesses ressemblent à une pêche. Fini ma clope, je te baisse ta mère. Juré, juré, craché, son cul cassé. Écrit noir sur blanc comme dans mon foutu casier. Ok, fiston calaboca. Quelques coups de fil, carrière bloquée. Les flics respectent leur quota. Les petites putes, tous les mecs cotés. Hey. Pas les bons rappeurs, pas les bons trappeurs, pas les bons mythos. Pas les bons, pas les bons. Chaque flow tapeur, précibuteur comme Robinho. J'y vais mollo, c'est pour ton bien, hey. Cogno, retiens ça. Dès que billet passe dans ma poche, hop, billet, reviens sale. Elle veut qu'il soit à la mairie. L'OPJ me relie mes délits. Yankee me demande si y'a crédit. C'est par le feu si je péris. Elle veut que je dise oui à la mairie. Je lui dis non, non, non. L'OPJ me relie mes délits. Je lui dis non, non, non. Yankee me demande s'il y a crédit. Je lui dis non, non, non. Mais peut-être que sans moi, le monde fera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde fera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. T'es déjà trentenaire, on s'en va en l'air. Mais j'ai que la vingtaine, donc j'ai que ça à faire. Me parle pas de mariage. J'te fais perdre ton temps, mais qu'est-ce que c'est bon. Quand je pose tes implants, je me sens comme avant. Comme quand je n'avais rien à battre. Je suis jeune, m'en fous de l'avenir. De ce que notre relation va devenir. Mais pour lui ce n'est pas le cas, il a déjà un taf. Il fait le mec mature. Mais tu sais qu'on lit plus que lui, j'assure. Rappelle-toi quand t'avais des courbatures. J't'avais bien niqué ta race. Rappelle-toi bien de la suite, dans les hôtels et les suites. Invité aux soirées VIP à la télé, tu regardais mes clips. On l'a fait sans autotune sur une prod de thunes somatiques. C'est ma manière romantique de dire que je n'avais pas mis le préservatif. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. J'ai fait semblant de bien aller. Quand t'as démarré, que t'es allé chez lui, bah non j'ai rien dit. Pourtant je le savais que tu baisais pour t'évader. Après tout j'étais là que pour dépanner. Je vais pas trop m'étaler, saigner fallait. Blessé je l'étais, je t'ai remballé. Tu m'as remplacé, tu m'as délaissé. Mais comme tout salaud, je t'ai téléphoné. Je t'ai récupéré, puis je t'ai fait pleurer. Parce que j'en ai rien à foutre, c'est ça la life. Qu'est-ce que tu croyais? Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres. Même si je fais pareil, c'est pas la même chose. Bah oui et non, moi j'ai besoin de ma dose, de ma libido. Et casse pas les yeux, fais pas celle qui réplique. De toute façon, je veux plus trop qu'on s'explique. Peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous, et c'est peut-être mieux ainsi. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. Mon cœur lance pas ma carrière. La la la la la la la la la la. I got feelings for you. Hope you ain't loving the crew. How many bodies you got? Pray it ain't more than a few. Know that you dealt with some lames when you was young and in school. He had to pop your chair, but I got it wet like a pool. She got a new G-Wag, she wanna hit highlight room and show it off. Got a new body, girl, show it off. It's a Brazilian, I know it's all. Toned up and she got a six pack. Look like she used to play volleyball. American Express, you can have it all. Cold to the safe, you can have it all. Fuck your main page, what's your finsta? I wanna know the real you. You started dancing to pay your tuition, girl, I wanna know what you been through. You want a boutique or you wanna sell hair? Just let me know what you into. If you out in public and he want your number, just tell him my nigga will spin you. The way you make me feel these days. Something getting dry for your baby girl. Smoke a nigga tar for your baby girl. Burn somebody block for your dog. Feel these days coming out my body for your baby girl. Wipe them like you snotty for your baby girl. Coming out my body for you. Damn, just turned on the news and seen that man who never got pussy in school and making laws about what women could do. I gotta protect you. I'm a made man, tied in all the way, baby, so I gotta respect you. Niggas put hands on you in the past, insecure because your body is pressure. Four words when I think about them is crusty, musty, dusty, rusty. Eight words when I think about us is fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Disrespect, yeah, and I smack them. The texts that you say in the captions, the videos we got ever leak, we going viral or going platinum. Don't worry about your friend's story when I had her alone. She gon' try and put some extras on to take you out of your zone. You know how it goes when they can't get a reservation up in Carbone. They gon' tell you it's a chill night, tell you how they rather stay home. Yeah. Jealous assholes, yeah. And I know what I said about being in vogue, but just like that R&B group from the 90s, girl, one call, I'll get you in vogue. One call, you in runway shows. One call, I'm I'm sitting front row. One wrong call from your ex, nigga saying dumb shit or get him sent home. One call and my niggas 10 toes down and go wherever I say go. Even if we gotta travel across the globe, down and take it to the end of the road. For real. The way you make me feel these days. Something getting dry for your baby girl. Smoke a nigga tar for your baby girl. Burn somebody block for your doorway. You make me feel these days. Coming out my body for your baby girl. Wipe them like you started for your baby girl. Je veux pas les quartiers, frotte dans les sachets. J'en ai vendu, j'en ai acheté, braqué. J'connais la regret, cervelle atrophiée. Bilan de cadavres en pièces détachées. Brody dans le passé, bracelet. Quelques bifs t'ont mal entassé. Plaqué, diamant, roro, bah oui, si si. C'est la vie qu'on a choisi. Un million, deux millions d'or en est ravi. Montagne est gravi, je n'ai qu'à les garnis. Je crache et tu te ravis. Raciste comme Nagui, changerai pas d'avis. Uber en Larry. OG, tu connais. Toujours à zoner, toujours à fumer. Yuvan sur le toit, débrouillera jamais. Bédo, j'ai cané. Négro m'a cramé. C'est que qu'elle va pas sortir à cette année. Toujours sur le coup, comme Shenanda. Je me lave avec, je dors avec. Mais gros, ça brille encore. Et puis je rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Ice, ice, je crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Merci pour la moula. Et puis je rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Ice, ice, je crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Merci pour la moula. Avant que le sien arrive, je roule dans le policier arrive. Pas dans le comico, pas dans le comico. Attends que l'avocat s'aligne. De la ganja, de la ligne. Putain dans cocaïne, on fait ta mine. J'suis dans la gueudre, j'suis dans la gueudre. Y'a que du sale quand médecin m'examine. Ramène le cash, ramène la cash. T'es dans la test, j'suis dans le texte. J'suis dans le beaucoup, beaucoup trop d'euros. J'suis sur les gros coups, beaucoup de roros. J'suis dans le banks, j'suis dans le banks. T'es dans le bloc, t'es dans le bloc. J'suis dans les gros coups. Beaucoup de moula, j'suis sur les gros coups. Beaucoup de dollars, beaucoup de billets. Violet, salaire, gros sous. Plus dans la galère et crédit, conso. J'suis dans ta mère et je crédite mon son. J'prends le game en otage, j'en demande tronçon. J'prends le game en otage, j'en demande rançon. J'garde mes éditions, j'prends tout sur mes chansons. Gonfle les cénibars pour plus d'attention. J'rachute festival pour payer la fonction. Comme Shenanda, j'me lave avec, je dors avec. Mais gros, ça prend un corps. Et puis j'rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Merci pour la moula. Et puis je rajoute un diamant, deux diamants, dix diamants, cent diamants. Ice, ice, je crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Merci pour la moula. Merci pour la moula. C'est le mix by Ludovic. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Ha ha, send a location. Can't burn up, boy, if you're bad, let's see. Your dad left home from young and you ain't done shit for your mum. Oh man, oh man, how you relying on man like gal, you're mad. You must have mad. You ain't ever sat in a trap with a pack. Hear the doorbell ring and your heartbeat lag. Can't keep track, been in the trap, it's hard. I can't keep up, selling them party drugs. I'm the one that got the party ton. Everyone say they T. Fascinated by the trap, I might put the band on Airbnb. Leave me a good review next time you come. Get some, get one for free. Who's that with the hair on fleek? She made me beat my Hornets peak. I try stay low in the cheap, low key. Discreet. The feds ain't dumb, they know what gone, but the young G's too naive. Lil bro got nicked two times this week. Fredo's priceless, not cheap. Fuck you, pay me, got booking fee plus VAT. R.I.P.A.1, it's sad that he did a C.A.T. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Ha ha, send a location. Can't burn up, boy, if you're bad, let's see. Your dad left home from young and you ain't done shit for your mum. Oh man, oh man, how you relying on man like gal, you're mad. You must have mad. You ain't ever sat in a trap with a pack. Hear the doorbell ring and your heartbeat lag. Can't keep track, been in the trap, it's hard. I can't keep up, selling them party drugs. I'm the one that got the party ton. Bro, say I'm going on dumb. I won't leave that trap alone. Come like I'm young in love. Got a toxic relationship with Stacy, but she won't cut me off. Can't be breaking even no more, Brody, I must see prof. Came to the band all healthy. Left with a dusty cough. Loving the gold, it's rose, like the England rugby top. These bitches lie, relationship advice, don't trust these thoughts. Everyone talk gun pump beat, but in a real life, no gun beat off. Keep the convo brief, say no more my G. Don't you know that talk is cheap? Like my girl, I'm short and sweet. What you mean, can you sit on my face? She listened to too much DBE. Everyone got PTSD, how come now everyone sip on lean? Don't you know that I grind 2 fours, I'm on 2 fours like Christmas Eve. Bro, are you at surprise? I told you this and you didn't believe. Can deal with the trap being dirty, can't deal with the dirty D's. If the yard I'm in gets spun, I'll walk, I'm home to 33. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Ha ha, send a location. Can't burn up, boy, if you're bad, let's see. Your dad left home from young and you ain't done shit for your mum. Oh man, oh man. How you relying on man like gal, you're mad. You masters are mad. You ain't ever sat in a trap with a pack, hear the doorbell ring and your heartbeat lag. Can't keep track, been in the trap, it's hard, I can't keep up. Selling them party drugs, I'm the one that got the party. J'ai livré des valises, on va quitter la street. J'ai vu du bénéf qu'on peut investir en Afrique. J'ai ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui, je dis Dieu merci. C'est pas pour rimer la carte de crédit qui est magique. Western au Congo. Après j'ai changé d'habit Louis Gucci pour me sentir beau. Je rêvais depuis petit donc j'ai pété le dernier Merco. Mon neveu dans le bolide, il y aura toujours ta place à déco. Comme le patron du four, on a les femmes, on a des bigots. T'as beau être le plus fort mais pour t'éteindre on a la méthode. Elle met la bague au doigt, si j'ai plus rien elle va me tourner le dos. J'ordonne sans oublier, pas rancunier, j'suis genre de négro. Ma chérie fais tes valises, on va quitter la street. Du bénéf qu'on va investir en Afrique. J'ai ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui, j'dis Dieu merci. C'est pas pour rimer la carte de crédit qui est magique. Maintenant ça fait plus la queue, j'enfile mille, c'est mon pantalon. Quand je te dis que j'ai fait l'oseille, c'est que tout est bon. Va briefer tous les bois que tu lui demandes si c'est mon gars. Ah, quand y'a pas l'oseille, je me sens mal, je me sens faible. Pour oublier tout ça, tu dis à combien, remets dans le verre. Ils veulent ma sassème, ils veulent mon buzz, ils veulent me faire. Mais je suis pas tout seul, y'a tous mes scrubs, y'a tous mes frères. Moi j'ai rêvé des valises, on va quitter la street. Tu peux nous pouvoir investir en Afrique. Qu'est-ce que c'est d'avoir la table aujourd'hui, dis Dieu merci. C'est pas pour arriver la carte de crédit qui est magique. Ma chérie a jolie physique, vacances en CDI. C'est le scénario, quitter le bendo, le bendo, c'est le scénario. Ma chérie fait des valises, on va quitter la street. J'ai fait du bénéf qu'on va investir en Afrique. Qu'est-ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui, dis Dieu merci. C'est pas pour arriver la carte de crédit qui est magique. Absent, plus tard je pourrais crever l'abcès. Ils ont mon casque clippé la trace blanche. Je vais venir faire les fous après. Ben, venu. Pour après les sous, je suis absent. Plus tard, je pourrais crever l'abcès. Ils sont mon casse, nipper la trace blanche. De venir faire les fous après. Pas cramé comme un Schmitt. Chèche bébé dans le monospace. Foute ma liasse quand le bolos part. Couteau chauffé comme les flammes. Aucune aide, aucun coup de pouce, aucun frère. Sans tunnel, j'suis tombé en panne. Mais au bout, j'ai vu la lumière. Sans tunnel, j'suis tombé en panne. Au bout, j'ai vu la lumière. Donc j'y suis allé à pied avec ma bite, mon couteau, mes pierres. Détermination, discipline, travail. Comme dirait Alpha, à l'école j'étais dans le fond. Ben, j'vois tous les hashtags et j'irai claquer le pifton. J'sais qu'on s'y en Allemagne. Parti pour être rico, si je suis pauvre, je suis à Hattai. Moula, je suis crémeux, quand je le pète, et puis la bœuf. Nique la mère au collabo, je suis avec Zé, je suis vers la breu. Motivé, équipé, pourquoi devrais-je m'inquiéter? La guerre, ça coûte un bras offré, j'espère que t'as des sous de côté. Tout donné, charbonné, ouais mon pote, on a rien volé. Fuck le but, j'ai opté pour un Audi, rue de Rivoli. Désolé, une fois je suis mal, j'éteins le pénave. J'suis sur la lune, 600 000 E ou la GA. Mais si ça foire, on ressort plus. Ma confiance, je l'ai donnée, on me l'a rendu abîmée. Et si t'es agité, monte dans le 4x4. J'ai de la place pour trois tignées, du gasoil pour tartiner. Rafale de balles réelles, Andeco faut s'abriter. Des cannes débridées, vive la célébrité. Et comme disent les frères de la caste, toi, tiens fatigué. Mes ennemis sont mes meilleurs amis. On se connaît, t'es pas fou. Pourquoi tu nous fais l'ennemi? C'est Hella, c'est Henny. C'est Hella, c'est Henny. Dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi. Mes ennemis sont mes meilleurs amis. On se connaît, t'es pas fou. Pourquoi tu nous fais l'ennemi? C'est Hella, c'est Henny. C'est Hella, c'est Henny. Dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi. Smashing, I'm a collie talking. Paid in full, I'm a high fight. Know your tide, we just did dinner for 3 hours. Lying to me all night. Buying beans, Spencer's out of spite. Paid a 100, ran a something light. Simple price to keep them out my life. Booby trap, we need a business office. Magic City, need a business office. 29, I keep a business office. I'm in love with Houston, Dallas, Austin. Tell your guys to hold off on a team chain. Seem like they may need money for coffins. Cuban girl, a family grind coffin. Text me on the signal, don't call me. Major distribution labels call me. Bad Bunny numbers, it's a robbery. 500 million just for Aubrey. Yeah, major distribution, high popping. Mention me to be the hottest topic. Same place you send your bitches shopping. Okay, go stupid. Play the shit like, play it cool, play me like I'm sweet. Fucking on the op, nigga, bitch. Say she missed the goals in my teeth. 4L shit, no, we stepping. Y'all should get the funeral preparing. SF90, this is not McLaren. Make a IG model, run my errands. He go missing, we gon' spin his parents. Stayed in Houston long as Steve Francis. Shoot his feet, got him doing dances. Wigging niggas like I played at Kansas. Ever seen somebody get shot? Lot of shit I seen before the top. I ain't tryna wrestle like the Rock. Fuck the Trish, I'd rather sit the walk. Lot of things I do to stay alive. Everything except for collar cop. Savage still let his gun pop. Fox 5 gang, get you knocked. Major distribution labels calling. Harry Styles numbers, it's a robbery. My niggas going Zane to catch a body. We was face to face, you could've shot me. Okay, go stupid. Capote, les jambes écartées, elle kiffe le profil du mauvais garçon. Au courant que je suis un jeune team, petit vin ça je te donne pas. Bon terre ma sam, pellegrino. Les poulets d'en haut je les ai grillés. Elle me suce la bite quand je suis quillé. Car entre les jambes c'est ce qu'il y a. Elle dit tiens n'y touche pas son aigrillon. Sur ta tête j'éclate ma débousa. Je dormais la mort sous le coussin. Qui se tasse dans les poches je suis plus conscient. Il me faut le Gucci, le Versace. Pour ce moyen qui vas-y bien pécho. Les tasses plus la cam, les armées sont chères. Mais de la fin du mot c'est méchant. Ils faisaient le malin dans le Benazi. On y tient des mères, on ne menace pas. Libéré gitan, libéré d'emba. On vole chez les gens pour avoir du blé. Un peu trop fumé, combien de gens j'oublie. Quand je suis dans le mal, le jaloux jubile. Liquide démoniaque dans ma fiole. Elle aime que je la baisse dans la violence. Un grand tour rouge, vert, violet. Pour faire de l'oseille, on s'isole. La plaquette, je cisaille. Coffré en haut, y'a tous mes couteaux. On avait ce qu'il est gueuf, on est dégourdi. Ouais. Entre moi et toi y'a pas d'année. Toute la tête si ton profil y connaît. Je roule mon pétard à la Marlboro. Celui qui m'aimait bien en colère. Celui qui m'aimait bien en colère. Celui qui m'aimait bien en colère. Me cacher la guêtre tout hier. Me cacher la guêtre tout hier. Je les prends tous qui m'ont vu. Je les prends tous qui m'ont vu. Fourré de tous les bourbillards. Fourré de tous les bourbillards. Fonté dans ma cité, je suis qui? Fonté dans ma cité, je suis qui? si t'es chuki, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bien positionné, moi t'es remassé un Pellegrino. Toi pour le gris, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bien positionné. Montere ma san pellegrino, tua pulegria. Me la gola la, di di la la lo. Me la la la li, me la beto la la la. Me la la la la, me la la la la. Hi di da la lo, me la la la la. Le tas chez la guêtre, trois soutiens. Le tas chez la guêtre, te dis. Je reprends tout ce qui m'envie. Je reprends tout ce qui m'envie. Fourré dans tous les bourbillards. Je fourré dans tous les bourbillards. Fondé dans ma cité, je suis qui. Fondé dans ma cité, je suis qui. Le tas chez la guêtre, trois soutiens. Le tas chez la guêtre, tout soutiens. Je reprends tout ce qui m'envie. Moi je reprends tout ce qui m'envie. Fourré dans tous les bourbillards. Fourré dans tous les bourbillards. Fondé dans ma cité, je suis qui. I got commitment issues, but I'm trying to fix that for you. If I can't afford that bag that you want, then I will lick that for you. I wanna be there for you, I knew that the day I saw you. Too many times we argue, sorry for all of the names I called you. Should've never called you a bitch, but I did, now you're pissed trying to cut my clothes. Should've deleted that text and you would've have known that I fucked those hoes. Don't act like you care how I feel, don't act like you care how I feel, you don't. Don't like how you act so sporting, you start move mad when I tell you no. But I wanna make it known, alright. I gotta take my time with love, so we gotta take it slow. I'm not used to this type of stuff, but I can still make you moan. Anytime that you want, I can lay that. You wait on the day that I say that I love you too, but I just can't say that. You want that bag, I'ma hit that trap in a week, I'll make that purchase. One touch, make a leg start shake, make a leg start shake like I make you nervous. Every time that I rap about hoes, I know that you hate those lyrics. I don't believe in love, but that doesn't mean I don't take you serious. I got commitment issues, but I'm trying to fix that for you. If I can't afford that bag that you want, then I will lick that for you. I wanna be there for you, I knew that the day I saw you. Too many times we argue, sorry for all of the names I called you. Should've never called you a bitch, but I did, now you're pissed trying to cut my clothes. Should've deleted that text, then you would've have known that I fucked those hoes. Don't act like you care how I feel, don't act like you care how I feel, you don't. Don't like how you act so sporting, you start move mad when I tell you no. I got commitment issues, I know that your ex still miss you. Can't get enough of my love, cause I give you a fuck that your ex can't give you. Send a location, I'm speeding, cause I got no patience. 20 bags on trainers, think I'm famous, I got a lot of hoes though lately. I get a lot of dodo lately, and I get paid on the promo lately. A lot of fake love in the air, can't go nowhere on my solo lately. Me and her just argue daily, she knows that I trap, so I march, don't rate me. When I don't text back, I ain't with a yak, I'm in a bando, baby. I got commitment issues, but I'm trying to fix that for you. If I can't afford that bag that you want, then I will lick that for you. I wanna be there for you, I knew that the day I saw you. Too many times we argue, sorry for all of the names I called you. Should've never called you a bitch, but I did, now you're pissed trying to cut my clothes. Should've deleted that text, then you wouldn't have known that I fucked those hoes. Don't act like you care how I feel, don't act like you care how I feel, you don't. Don't like how you act so sporting, you start move back when I tell you no. Vous êtes plongé dans le mix de Ludovic. Je crois que je t'évite alors que je m'haïs. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je t'haïs. Mission, il va falloir que j'y aille. Jusqu'à ce que je t'haïs. Elle veut savoir comment que je m'aille. Nouvelle cargaison, donc partout je la répands. On achète, on revend, on arrête, on reprend. Nouvelle cargaison, donc partout je la répands. On achète, on revend, on arrête, on reprend. Avec un peu de bien et de mal on est fait. J'ai fumé ton doré mais j'attends les faits. Je suis plus un ange, je sais en effet. On était liés mais on s'est défait. Devant les gens, ils me diront mon frère. Première occasion qu'on se croit à me faire. Je me roule un grip pour me calmer les nerfs. Et on se dit ah dans quelques millénaires. Veulent voler mon flow et veulent voler ma zik. Et c'est mes baby des tout petits nous. Pour eux que des bofs et des coups de genoux. T'es ma tête dégaine, t'as tout chez nous. C'est Yon qui l'a bébé, mon bigot magique. Ton caillou arrive, j'suis dans le carrosse. Appelle à Paris des tout petits bouts. Genre bibi di bobi di bobi di bou. Tu crois que j't'évite alors que j'm'haïs. Elle veut savoir j'suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se voie. Et j'te donnerai ce que tu veux de moi. que je baillis. Mission, il va falloir que j'y aille. Jusqu'à ce que je baillis. Elle veut savoir comment que je m'aille. Tais-toi et profite du moment. Jusqu'à ce que je t'aille. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Là, comme moi je fais ma maille. Tais-toi et profite du moment. Jusqu'à ce que je t'aille. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Là, comme moi je fais ma maille. On est même noir, si je te prends, moi c'est pas pour une autre. Même si la tête en bas, je suis de ton côté, je connais pas neutre. Mais que tu veux me bloquer, si j'ai pas de plafond, c'est de ta faute. Car si j'ai pas de talbin, tu diras sûrement que c'est de ma faute. Donc, tu crois que je t'évite alors que je m'haïs. Elle veut savoir, je suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je baille. Mission, il va falloir que j'y aille. Jusqu'à ce que je taille. Elle veut savoir comment que je m'aille. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion.

vitrine. Dave, c'est pas de la cristalline. On l'aille, j'suis sur toi comme un jean. C'est plus grave que tu l'imagines. Gargouille sur un toit béni. Rate plus pas trop jour et nuit. Si tu sais pas qui j'suis, ton écran plat vient de chez Momo Eni. Tout est écrit, mais j'aime pas lire. T'es faux, ta peau, c'est pas du cuir. Plein de gens que j'aime, mais j'aime pas le dire. Plein de gens que je gêne veulent me détruire. Qu'il en soit ainsi, j'ai toujours laissé le diable me séduire. Dans le bureau à Tony, lance grenade chargée, grosse cérémonie. C'est dur, frérot, la pandémie. Avance-moi un kill et demi. Neuf de part de Châtillon. Borghini porte papillon. J'suis trop gagné, pas c'est pas le bail, ma gueule. J'suis dans mon rapi world. Automatique, c'est fantastique. C'est quoi les bails, ma gueule? J'suis dans mon rapi world. Des versants à la mairie. Faisons le hlèche chez Chalgoumi. Les dessoudés jusqu'au dernier. Sera toujours une très bonne idée. Si t'as pas de compte, t'as pas d'avis. Pas de navire, pas d'avenir. En disant rien, on a tout dit. Les follow me. Encore perdu mon instinct. Mon truc à moi c'est la musique. J'essaie de garder mon instinct. Déboussolé par l'algorithme. En fond de sixième, je vois mieux le ciel. Beaucoup trop tard pour reculer. Je lui ai dit passe-moi du gel. Pas pour mes mains pour t'enculer. J'suis plus proche du riff que du gif. T'es plus proche d'une balle que d'une gifle. Malay Kings, Koba, Gut. Hey, veux que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Paye critique et maintenant veulent faire la collab. T'as mal bossé, t'es mal payé, t'es mal gamos, t'es mal 4 roues. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Pour ça, merci, ça porte malheur. Façon, on est maudit. On est maudit, y'a du CP, y'a du Gucci. J'arrive dans la Ferrari. Tu me vois pas venir comme la mort. Elle est pensée qu'elle est mûre. Et j'aime pas me jeter devant le miroir. Et vas-y, fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à faire. Je lui bouffe la chenèque, des fois j'ai mon pif dans son cul. On a percé, putain. Des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs. Percé, putain. Des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je baisse ma vie. J'aurais pu arranger les choses, mais j'ai voulu baiser sa pote. En plus j'ai des potes, ces bâtards ils me font des coups de pute. J'ai même plus où donner de la tête. Faut que je roule un joint là. Toute ma con, je vais la calciner au quartier là. Faut que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Et critiquer maintenant veulent faire la collab. It's no baby, mais toi tu nous compares. À mon âge investi, villa pour la madre. Si t'es mon gazo, je mettrais Goulka sans trop parler. On plope, on se casse, on caisse, on trace et fait des venges. Gaz a toujours envie de wex. Bitch a toujours envie de sexe. Quand je les ken, tu connais, je flex. Si avec elle, je finis, je next. Peu importe que ou pas je plais. J'accumule ex sur ex, yeah. Best big gang, on parle pas, on fait. Accumule wex sur wex, yeah. Putain, des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs. Percé, putain, des fois j'oublie qui je suis. Mais je m'en souviens vite quand je baisse ma vie. J'aurais pu arranger les choses, mais j'ai voulu baiser sa pote. En plus j'ai des potes, ces bâtards ils me font des coups de pute. J'ai même plus vous donner de la tête. Faut que je roule un joint là. Toute ma con, je vais la calciner au quartier. Hey, faut que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Et critiquer maintenant veulent faire la collab. On va les attendre sans menacer. Oh. Le septembre, on commence et c'est mort. Y'a que Dieu que j'adore, un selfie et j'rigole. J'veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Message-le, qu'un dernier message. Qu'un dernier message peut t'enlever la vie. J'suis dans Panama, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sors. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un mode. fil pour faire un murder. Ils savent qu'on est prêt pour un murder. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes, on a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches, on a repris le Glock. Avant d'être une restant, avant d'être la mélodie, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois, écoute bien on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois, au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs, j'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, je suis dans Paname, y'a pas distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants, y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'ameule. Un coup de fil pour faire un murder. Ils savent qu'on est prêt pour un murder. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On vit, on dort la noche. Parfois on est dans le mal, mais y'a que Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets. Y'a pas de retour en arrière. Le passé, c'est le passé. Elle est venue pour un gueule, pas de parler. Elle a posé son fun d'air. Elle a oublié la date. La tête, fin d'espace. Sur une planète, j'te ramène là. It's not my fault. Fin d'histoire sort. Ici y'a 10 heures. Avant la bête des dents. C'est l'heure des gérants. Si j'avais comment faire, si j'avais comment faire, j'aurais moins de problèmes dans ma tête. J'oublierais le mal qu'on m'a fait. Je te jurer sur ma tête. Si jamais je m'en commentaire, me donne pas ton avis. Tu crois que je lis les commentaires? Mon refrain, dis-moi tout. Je rêvais juste des billets verts. Je rêvais juste d'être millionnaire. Mais j'en rêve plus, j'ai plus sommeil. Tu sais que la nuit porte conseil. Mais ces conseils sont mauvais. Des fois, tu sais qu'on s'en veut. Quand la pluie tombe, tu t'en vas. Trois des déclarations suffiront pas. Faut qu'il y ait les actes avec. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. C'est pas des places qu'on veut. Ils disent qu'ils veulent nous-mêmes. On sait ce qu'on vise. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Trois des déclarations suffiront pas. Faut qu'il y ait les actes avec. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. C'est pas des places qu'on veut. Ils disent qu'ils veulent nous-mêmes. On sait ce qu'on vise. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Si j'avais comment faire. Si j'avais comment faire, tes larmes seraient déjà sèches. Et je serais papa comme mon frère. J'suis comme un ange en enfer. J'voulais juste rendre maman fière. J'suis pas loin du bendo. J'entends les keufs par la fenêtre. Mon bébé, donne-moi tout. Mon cœur va vite comme Mercedes. Si tu me dis que tu saignes, je reste. Si tu me dis que tu m'aimes, je dead. J'vais tout recommencer. Mais mon cœur est cimenté. Là, j'recompte les lovés. Et y'a plus que ce que j'pensais. Trois des déclarations suffiront pas. Faut qu'il y ait les actes avec. C'est pas des places qu'on veut, ils disent qu'ils veulent nous-mêmes, on sait ce qu'on vise. Trois des déclarations suffiront pas, faut qu'il y ait les actes avec. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. C'est pas des places qu'on veut, ils disent qu'ils veulent nous-mêmes, on sait ce qu'on vise. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Et dans la street, ça devient tendu. Les armes et la drogue sont pas rendues. À la recherche des vendus. Pas peur qu'ils finissent attrapés. Le vitesse quand y'a les favos. Pas s'arranger les fans de moi. Pas venir gâter les bails, non. Ah non non non non non. Hey. J'allume mon Benz, moi. J'allume mon Benz, moi. On y va, allons-y, let's go. Dans la vie, dans j'vois comme Death Bro. Mon équipe, c'est fait pas marbre. Pour un clip, va pas à marbre. J'ai les plugs, j'connais bien la vie. Visionnaire, Inestacha, vie. Dans ma tête, c'est une bande dessinée. Rapta, mais on vient décider. 2, 4, 3, oh yo, qui est. J'fais la loi comme Olomide. J'ai la magie, j'fais comme Houdini. Nocta, j'vais pas de Boutchemi. 2, 4, 3, oh yo, qui est. J'fais la loi comme Olomide. Dans le bif, l'adresse, on se barre. Dans la street, dans la tête, on se barre. Y'a le shit et la 16 dans le bot. Vise le cœur et la tête, on bat. Donne le bif et l'adresse, on se barre. Dans la street, dans la tête, on se barre. Y'a le shit et la 16 dans le bot. Je vise le cœur et la tête, on bat. Donne le bif et l'adresse, on se barre. Hey. J'ai la main dans la Benzo. Y'a une porte avec du Kenzo. C'est les bienvenus dans la Frenzo. J'ai la main dans la Benzo. Ludovic in the mix. To admire, cause you shine at something like a mirror. And I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can take no place, where could it go? Just put your hand on the past. I'll be trying to pull you through.